Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire en confinement, l'affaire Geneviève Janson. Je n'ai jamais touché à de l'EPO de ma vie. J'en ai jamais vu. On ne m'en a jamais donné, proposé. J'en ai jamais pris. Vous vous êtes dopé pendant longtemps? Pendant longtemps. Depuis le début? Oui, depuis le début. Quel âge? 16 ans. C'était quoi? C'était de l'EPO. D'EPO? Je savais que c'était pas bien, sauf que je me suis fait prendre dans un engrenage, puis j'avais aucun outil, j'avais pas les moyens de m'en sortir, je savais pas comment. Entre le moment où la coureuse cycliste Geneviève Janson nie une première fois avoir consommé de l'EPO à la suite des premiers soupçons de dopage qui pèsent contre elle à l'automne 2003 et le moment où elle passe finalement aux aveux à l'émission Enquête en septembre 2007, il se sera écoulé quelques années, quelques très longues années pour elle, et cette petite chanson qu'on vient d'entendre, « Non, je n'ai pas pris d'EPO, oui, j'en ai pris finalement », le journaliste Alain Gravel la connaît par cœur. Il s'intéresse au dopage dans le sport depuis des années. Il a couvert l'affaire Geneviève Janson de très près. Alain Gravel est animateur de l'émission Les faits d'abord. Il est avec nous. Alain Gravel, bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Alain, vous êtes le premier invité de cette série d'émissions spéciales d'Aujourd'hui l'Histoire en confinement, où différents collègues qui ont à venir à Radio-Canada ou qui peuvent faire des émissions dans une qualité acceptable de chez eux viennent à tour de rôle nous raconter une histoire qu'ils connaissent bien. Donc aujourd'hui, au programme, une histoire que vous connaissez très bien, l'affaire Geneviève Janson. Avant de parler de Geneviève Janson comme telle, Alain, parlez-moi plus largement. Vous venez de faire un documentaire là-dessus. Parlez-moi plus largement du dopage dans le sport. Vous vous intéressez à ce dossier-là depuis des années. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient tant vous chercher dans cette affaire-là? Bien, en fait, ça a commencé par une couverture à Séoul en 1988. J'étais jeune journaliste pour la station de radio CKAC et on m'avait envoyé au Jeux de Séoul pour couvrir les manifestations de rue parce que ça brassait pas mal à l'époque. Il y avait beaucoup de tensions entre les groupes d'opposition et le gouvernement sud-coréen. Mais et la journée de la course, le fameux 100 mètres de Ben Johnson, on m'a demandé d'aller appuyer le journaliste de sport qui était sur place. Alors, c'est la première compétition olympique à laquelle j'ai assisté dans ma vie et quelle compétition. Et donc, j'ai travaillé pendant 48 heures, presque sans dormir, sur l'affaire Johnson qui a été pris pour consommation de stanozolol, qui est un anabolisant. Et de cette couverture, puis moi, le sport, ça m'a toujours intéressé aussi beaucoup. Et toute la question du dopage, il y a ce côté mystérieux, secret aussi. Il y a la triche, la fraude d'une certaine façon. Et comme journaliste et éventuellement journaliste d'enquête, bien évidemment, toutes ces questions-là m'intéressent beaucoup. Oui. La fraude, ça vous intéresse beaucoup, on le verra plus tard dans votre carrière, mais je reviens aux sportifs. Puis vous en parlez assez bien dans le documentaire que vous avez récemment présenté à la télé de Radio-Canada, Dopage de Ben Johnson à Gérard. C'est le sportif, au fond, qui s'insurge, parce que vous aimez le sport, parce que vous aimez les valeurs du sport, et au cœur de ces valeurs du sport, il y a ce que les Britanniques appellent le fair play. Et le dopage, c'est tout sauf du fair play, c'est de la tricherie. C'est complètement anti-sportif pour vous. Oui, ça vient me chercher comme journaliste, mais aussi comme athlète amateur. J'ai fait beaucoup de compétitions de vélo, je fais maintenant des triathlons, et même dans ma catégorie d'âge, je suis dans la jeune soixantaine aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens autour de moi qui se dopent, et ça me dégoûte. Oui. Parce que, et dans le documentaire de Ben Johnson à Gérard, j'ai interviewé, donc, parce qu'on parle souvent des dopés, mais on parle rarement des victimes. Oui. Et des gens comme Pierre Harvey, dans le cas de Gérard, c'est un Néo-Zélandais, c'est des gens qui souffrent beaucoup de cette triche, et jusqu'à un certain point, ce sont des gens qui se sont fait voler. Oui. Voler financièrement, mais voler aussi dans leur amour-propre, voler dans une démarche, dans un engagement très intensif. Hein, s'entraîner pour, par exemple, dans le cas de Pierre Harvey, c'est énorme. Et oui. De voir, à l'époque, c'était des Soviétiques ou des Scandinaves qui étaient dopés, ben, c'est extrêmement frustrant. Et comme, donc, personne, comme athlète amateur et comme journaliste, évidemment, c'est une question qui est très sensible pour moi. Ouais. Venons-en à l'affaire Janson. C'est une des histoires que vous allez couvrir vraiment avec, j'allais dire passion, mais en tout cas, vous allez la couvrir de très, très près. C'est important dans votre carrière, cette affaire-là. Vous allez même publier un livre au sujet de l'affaire Janson en 2008. Le livre s'appelle « L'engrenage ». Qu'est-ce que ça représente, l'affaire Geneviève Janson, dans votre carrière, pour vous, Alain Gravel? Bien, d'une part, ça a été la deuxième grande enquête de l'émission Enquête. Et c'est ce qui nous a, ce qui a permis à l'émission de nous démarquer parce que ça avait fait un immense choc. Et d'autre part, comme journaliste, c'est très rare qu'on réussisse. Enfin, on fouille, on confronte les gens, mais les gens, en général, restent sur leur position. Ils sont souvent bien encadrés pour. Soit ne pas dire la vérité ou la maquiller, mais c'est très rare comme journaliste qu'on réussit à obtenir des aveux d'une personne de façon claire, candide. Et comme je dis souvent, ça arrive une fois dans votre carrière que vous allez avoir quelqu'un devant vous, devant la caméra ou au téléphone, et qui dit « Oui, je sais, ça fait longtemps que tu travailles là-dessus, tu m'as confronté. » Dans le cas de Janson, « Oui, je vais te le dire. » Oui, j'en ai pris. J'ai pris de l'EPO pendant 10 ans, j'ai commencé à 16 ans. Et quand on reçoit ces aveux, à chaud comme ça, c'est très intense comme sentiment, comme journaliste. Et en plus, donc c'est un domaine que j'aime beaucoup. On a travaillé très fort à faire cette histoire, mais personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce moment important dans l'histoire sportive au Québec qui était le dopage de Geneviève Janson. Oui, puis on y reviendra, mais évidemment, c'est l'affaire de... Ça arrive une ou deux fois dans une carrière, disiez-vous, mais ça n'arrive pas par hasard. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Vous l'avez suivi, mais pendant très, très longtemps, vous avez fait du vélo avec elle. Vraiment, c'est un contact, disons ça comme ça, que vous avez énormément cultivé. Parlons de Geneviève Janson avant les allégations de dopage. Quel genre de carrière elle a? Parce qu'au fond, c'est en 2003 là, que ça commence à sentir la moutarde. Comment ça va pour elle jusqu'à ce moment-là? Ah, c'était une grande vedette du monde sportif québécois. Il faut savoir que Geneviève Janson avait été championne du monde junior. Ça s'était déroulé en Italie. Et par la suite, a gagné plusieurs courses d'importance, notamment sur le Mont-Royal. Et c'est une des... C'était pas la meilleure au monde, mais elle était dans les 10 meilleures au monde. C'est quelqu'un qui était très flamboyant, donc qui avait une personnalité très forte, ce qui faisait qu'elle est devenue... Elle était probablement encore plus importante dans le petit monde du vedettariat sportif québécois que... comme athlète, comme tel. Et les Anglais disent « marketable ». Et chaque fois, je pense qu'elle a gagné cinq ou six fois, il faudrait que je vérifie mes notes là-dessus, mais la course sur le Mont-Royal, donc chez elle. Et c'est une course chez les femmes pro extrêmement importante, parce qu'en Europe, les femmes pro attiraient pas beaucoup de grandes foules, mais à cause de Geneviève Janson, sur le Mont-Royal, c'était plein, plein, plein à chaque fois. Donc, c'est une grande vedette, c'est une très bonne cycliste, mais qui avait une carrière quand même en dents de scie. Ce qui laissait entendre un certain dopage. Donc, qui se préparait, qui était très, très forte dans les compétitions importantes et moins dans les compétitions moins importantes. Elle était aussi... Pierre Foglia l'avait un peu adoptée. Et Foglia avait beaucoup d'influence et dans le monde sportif et dans le monde en général. Il en parlait souvent, ce qui faisait que c'était quelqu'un d'important dans le monde sportif québécois. Mais dès 2003, premier soupçon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais. Là, ça commence à craquer un peu. En fait, le premier soupçon, c'est autour de ce qu'on a appelé l'affaire Duquette, ce qui était son médecin qui a comparu devant le comité de discipline du Collège des médecins pour avoir dopé des athlètes. On parlait des athlètes, dont une athlète de très haut niveau. Et Geneviève Janson n'était pas identifiée à ce moment-là. Des rumeurs circulaient autour de son nom tellement qu'elle a décidé de faire une conférence de presse pour dire que non, elle n'a jamais pris d'EPO. Ce que vous avez entendu, ce fameux extrait qui roule en boucle depuis des années et des années. Et c'est là que ça commence à craquer un peu. Donc, elle niait. Il n'y avait rien qui démontrait que Geneviève Janson était dopée. Mais par la suite, est arrivé d'autres événements. Il y a eu, entre autres, les championnats du monde à Hamilton en 2003, où son taux d'hématocrite, qui est le rapport entre les globules rouges et les globules blancs. Donc, si vous avez un taux de globules rouges trop élevé, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes dopé, mais vous pouvez être suspendu pour des raisons médicales, pour éviter justement qu'il puisse arriver un incident. Et donc, elle avait été suspendue cette fois-là avec un taux énorme. La valeur n'avait jamais été rendue publique à cette époque. Moi, j'ai réussi à lui faire dire lors de mes confrontations avec elle. Mais donc, ça a été le deuxième indice. Le troisième, c'est un peu après ou avant, je ne me souviens plus exactement dans la chronologie des événements. Elle s'est retrouvée à la Flèche Wallonne en Belgique, qui est une course très importante. 2004, donc une course très importante. Encore là, elle avait affiché un taux d'hématocrite assez élevé, mais il y avait une contradiction entre l'échantillon A et B, ce qui lui avait permis de courir quand même cette journée-là. Mais on l'avait désigné pour passer cette journée-là un test antidopage et, comme par hasard, elle avait oublié de se présenter au contrôle. Ce qui fait que ça avait été publié, l'Union cycliste internationale, au lieu de la suspendre, lui avait donné un avertissement. Et tout ça a mené par la suite en 2006 à Tuna aux États-Unis, autour de Tuna, où là, vraiment, elle a été prise pour donc EPO avec une suspension de 2 ans. Elle avait accepté sa suspension, mais dans l'entente qu'elle avait eue avec l'Agence américaine antidopage, elle soutenait qu'elle ne s'était pas dopée. Et donc, il y avait toujours ce mystère, cette contradiction. Elle avait arrêté sa carrière à ce moment-là, puis elle était disparue. On ne savait plus où elle était. Elle vivait en Arizona avec son entraîneur de l'époque, André Aubut. Ils avaient ouvert un restaurant et c'est là où on l'a rejoint à Phoenix. Oui. Et c'est en 2006, donc, cette suspension après le test positif autour de Tuna. 2007, vous réussissez ce coup-là dont vous nous parliez dès le début. Ça arrive une ou deux fois dans une carrière. Elle passe à table, passez mon expression. Vous réussissez à obtenir des aveux de Geneviève Janson à l'émission Enquête en septembre 2007. Ça se fait pas en claquant des doigts. Comment vous avez réussi ce coup-là, Alain Gravel? En fait, ça partait d'une discussion qu'on avait avec le pupitre éditorial de l'émission. On voulait faire une histoire sur le dopage et il y avait toujours la possibilité d'aller enquêter sur ce qui se passait dans le milieu cycliste, le milieu du soccer ou encore même en Europe ou en Amérique du Nord, au hockey, dans le milieu du hockey, football, baseball. Mais je disais toujours à mes patrons qu'il y a une histoire qui mérite d'être éclairée. Si c'est l'affaire Janson. Je ne connaissais pas Geneviève Janson. J'allais voir ses courses comme simple spectateur, pas comme journaliste. Et on est entré en contact avec son ancien relationniste qui a relayé le message en Arizona. On ne savait pas où elle était. On n'avait pas de numéro de téléphone. Lui ne voulait pas qu'on communique directement avec elle. Et elle avait accepté de nous rencontrer, mais sans caméra. Et donc, on a fait un aller-retour. J'ai été voir mon patron en disant, regarde, elle veut nous parler sans caméra, mais elle est à Phoenix, en Arizona. Il nous dit, fais un aller-retour. On a pris le billet d'avion le moins cher possible. On a dormi une nuit, puis on est revenu. Et donc, on avait établi un contact, mais elle n'était pas certaine de vouloir donc nous parler devant la caméra. Puis finalement, 2 ou 3 semaines plus tard, elle nous a téléphoné en disant, oui, vous pouvez venir. Alors, lorsqu'on est arrivé, on avait déjà planifié un tournage à son restaurant. Et c'est là le premier indice comme quoi il y a quelque chose qui ne marchait pas chez Janson lorsqu'on est arrivé la deuxième fois pour la filmer. Elle nous dit, vous ne pouvez pas venir filmer à mon restaurant. Je viens de quitter mon entraîneur, en fait, au but. Et on se posait la question, pourquoi à ce moment-là, le jour de notre arrivée, elle quitte au but? Et après, de fil en aiguille, on a multiplié les entrevues avec elle, je la mettais devant ses contradictions, et mon réalisateur m'avait donné l'ordre, et puisque lorsqu'un réalisateur vous donne un ordre, on ne le conteste pas, il m'avait donné l'ordre d'apporter avec moi mon vélo pour rouler avec elle. Alors, je dis ça comme ça à la blague. Oui, j'avais donc, compris. J'ai beaucoup roulé avec elle, sans caméra, pour établir un lien de confiance avec elle. Et je peux vous dire que... au fil de mes rencontres, de mes discussions, je passais mes journées entières lorsqu'on était là-bas avec elle, matin, midi, soir. Elle me semblait tellement fragile et vulnérable. J'aurais pu être son ami, son père, son frère, à la limite son amoureux, son tortionnaire même, tellement elle semblait fragile. Et elle me disait toujours, t'es mon ami Alain, aide-moi. Et donc, elle n'avouait toujours pas. Puis moi, je lui disais, Geneviève, je ne suis pas ton ami, je suis un journaliste. J'ai de la compassion pour ton histoire, mais il y a une distance. Mais, puis elle me disait, mais il faut que tu m'aides. Je dis, la seule façon que je puisse t'aider, c'est de me dire la vérité. Et donc, ça a duré des semaines et des semaines et des semaines jusqu'au moment où j'ai eu son avis au téléphone. Ouais. Et c'est au fond une Geneviève Janson, puis elle va vous le dire un peu plus tard sous pression. On va y revenir, en fait. On va l'écouter d'abord parce que ce qui est fascinant dans votre histoire, dans cette histoire-là, mais dans cette relation que vous allez établir pour construire ce reportage avec Geneviève Janson, c'est l'évolution que ça va prendre, le type de rapport que vous allez réussir à établir. Puis elle va finir, puis on l'entend tout de suite, même par vous en remercier du travail que vous allez faire, vous, comme journaliste, mais du travail que vous allez lui faire, elle, sur elle-même, comme athlète, comme femme. On écoute donc deux extraits en 2014 et 2020 d'entrevues que vous menez avec Geneviève Janson. On l'écoute d'abord dans le documentaire sur le dopage dans le sport que vous venez de présenter, donc, il y a quelques semaines à la télé de Radio-Canada. Puis, on la retrouve ensuite en entrevue avec vous, Alain Gravel, en 2014, au moment où sort le film d'Alexis Durambeau, La petite sirène, sur la vie de Geneviève Janson. Est-ce que tu aurais pu garder le secret longtemps? Je pense pas. T'es arrivé juste au bon moment. Ouais. Non, j'aurais pas été capable de vivre avec ça. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que c'était trop lourd pour moi. Puis, parce que je voulais m'en débarrasser aussi. Devenir une personne authentique passait par l'avouer. Je voudrais te remercier, puis toute l'équipe aussi, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est ça qui m'a permis de repartir ma vie. J'avais besoin de dire ça. J'avais besoin de dire que oui, j'avais pris de la drogue. C'était un mensonge pour moi qui pesait beaucoup. Puis tu m'as donné cette opportunité-là. Alors, merci. À ce point-là? Oui, vraiment. C'était vraiment lourd à ce point-là, ouais, à porter. Oui, c'était très lourd. Puis il me semble que là, après qu'on se soit parlé puis que tout aille passer, même si c'était un moment qui était difficile, je me suis dit, maintenant, c'est le temps de rebâtir. C'est très fort, ce qu'on vient d'entendre, Alain Gravel. Et pourtant, j'ai beaucoup boxé avec elle. Oui. Elle a beaucoup résisté en sa durée. Écoutez, la première rencontre que j'ai eue avec elle, c'est en février 2007, je pense. Puis elle a craqué en juin au téléphone 2007. Donc, plusieurs mois plus tard, mais à travers ça, je l'ai mise devant ses contradictions. On a aussi beaucoup documenté son cas en parallèle. Et c'est ça. Donc, c'est assez extraordinaire comme moment. Et il y a deux... c'est la même histoire, mais j'allais dire, il y a deux histoires, deux volets à l'histoire, en tout cas, très certainement. L'athlète qui va se doper pour gagner. Mais en parallèle, puis ça, vous en avez beaucoup parlé dans votre livre. L'engrenage, c'est le titre de votre livre, d'ailleurs. Mmh. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais cette Geneviève Janson qui n'en peut plus quand vous commencez à la rencontrer en 2007, qui est sous pression, qui n'en peut plus, qui a besoin de parler, c'est la femme qui vient de rompre avec son entraîneur, qui est aussi son amant, qui est, vous utilisez le mot tortionnaire tout à l'heure, en tout cas qui va l'entraîner dans cet engrenage de la drogue. Ouais, qui est devenu son mari aussi. Ils se sont mariés secrètement avant notre arrivée. Mais derrière, donc, cette histoire de dopage, il y a une histoire infiniment plus triste et choquante. C'est les abus dont elle a été victime par son entraîneur et aussi la violence physique. J'en parle et dans le livre et dans le reportage. C'est en fait l'histoire d'une jeune, comme on le voit malheureusement souvent dans le milieu sportif de haut niveau, c'était une petite soldate qui était aux ordres de son général et qui l'écoutait aveuglément. Et récemment, ce qu'elle m'a dit lors de la préparation du reportage du documentaire sur Ben Johnson à Gérard, je lui posais la question, est-ce que dans la psyché du dopé, est-ce qu'il y a un comportement standard typique? Elle dit c'est différent d'une personne à l'autre. Elle dit, par exemple, moi, elle dit, je dois te dire que je me dopais pour que mon entraîneur m'aime. C'est fort, hein? Ouais. Donc, pour se faire aimer de son entraîneur qu'elle aimait d'amour, et elle me disait, par extension, pour me faire aimer par le public québécois, par les amateurs de cyclisme. Et donc, c'était pas pour l'argent, c'était pas nécessairement pour la renommée, c'était pour se faire aimer. Alors, on voit que, et souvent, chez les athlètes, il y a beaucoup de fragilité aussi. En fait, chez les gens, en général, on a tous nos failles, mais cette fragilité est probablement exacerbée par les pressions, les tensions du milieu ou par le rêve de devenir connu ou de devenir riche éventuellement. Oui. Vous parlez, vous l'avez un petit peu évoqué il y a quelques minutes, Alain Gravel, mais dans ce fameux documentaire « Dopage » de Ben Johnson à Gérard, puis précisons en fait, parce qu'on a parlé du titre depuis à quelques reprises depuis le début de l'émission, mais Gérard, c'est un coureur amateur, mais qui se dope, qui est très connu, mais dans les cercles amateurs, et qui se dope pour... enfin, il y a eu des tests positifs qui montreraient qu'il se dope pour gagner. Mais vous parlez donc dans ce documentaire-là des victimes. La victime de Geneviève Janson, c'est la cycliste québécoise Lynn Bessette. Parlez-moi de ça, parce que ça vaut quand même la peine. Qu'est-ce qu'elles vivent, ces victimes des tricheurs? Ben, Lynn Bessette, qui était toujours deuxième derrière elle, et qui... le malheur de Lynn Bessette, c'est qu'elle était dans le marché de Geneviève Janson. C'est, comme je vous le disais tantôt, c'est pas un immense marché, marché de la commandite, par exemple, dans le cyclisme féminin. Et c'est tout petit, le Québec, là. Alors, elle était dans ce marché-là, elle était toujours la deuxième. Puis, lorsqu'elle laissait entendre qu'il y a quelque chose qui craquait un peu autour de Geneviève Janson, ben, elle passait pour une mauvaise perdante. Oui. Comme d'autres, comme Pierre Harvé. Pierre Harvé a été accusé par les radios de Québec pendant des années d'être ce qu'on appelait un choker. Lorsque les grands moments arrivaient, il ne réussissait pas à gagner des courses. Il en a gagné quelques-unes dans sa carrière. Rappelons que Pierre Harvé, donc, c'est le père d'Alex Harvé. Et Pierre Harvé est probablement un ou le plus grand athlète de l'histoire du Canada. C'est le seul, sauf erreur, qui a participé aux Jeux d'hiver et aux Jeux d'été durant la même année, en 1984. Donc, Los Angeles et Sarajevo en ski de fond et Los Angeles à vélo. Et Pierre Harvé a toujours dit qu'il était propre et a toujours soutenu qu'il a été victime du vol d'athlètes soviétiques et scandinaves, qui à l'époque c'était ce qu'on appelait le blood doping, donc les autotransfusions sanguines des athlètes qui étaient très à la mode. Et donc ces gens-là ont vraiment l'impression, quand je vous disais que c'est ce qui m'intéresse dans ces histoires, la triche, la fraude, le vol, comme dans toutes les histoires dans l'industrie de la construction sur lesquelles j'ai travaillé à l'émission Enquête, ben, c'est un peu la même chose. Ce sont des gens qui travaillent très fort, qui voient à côté des fraudeurs qui leur volent littéralement leur bourse, leur médaille, leur honneur ou le moment dont ils rêvent depuis si longtemps de monter sur un podium. Alain Gravel, c'était vraiment fascinant de vous entendre raconter cette histoire-là. Animateur de l'émission Les Faits d'abord, à Ici Première, auteur du livre, je le rappelle, L'Engrenage sur l'affaire Geneviève Janson. Merci Alain. Merci Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Annie Richer, Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.